les jeunes sorciers de Poudlard, hashtag Poudlard. Il va te malheur, dès que ça m'intéresse sur le corner. Je te mets dans le dealer, mais un jour c'est ta semaine de salaire. Tu veux venir tomber, c'est le verre en fou la tête. Il a déjà livré toute la net. Mais belle et connue, pas faire de perte. Je représente les mecs à ma tête. Et j'ai démontré ses contactions. Ma vie se transforme en fiction. Dis-moi que je suis là que poison. Ma vie se transforme en fiction. Méchant, produit dans l'action. Méchant, produit dans l'action. Méchant, produit dans l'action. Bang. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. T'es déjà mort, tu verras pas l'autre. Elle dira quitte ma coca à la houffe. Il pourrait crever pour s'en rinter. Plus de yébis si tu veux dialoguer. C'est rock, je sirote, j'ai en plus mon ventre. C'est pas des notes, mais des pourquoi tu loupes. La recette de ton pain de vin. On est violent, inconscient à la vue du plus. Tu veux rouler avec nous, faut faire tes épreuves. J'aperçois que des gros fessiers dans le club. Avant qu'il soit trop tard, enfermez-moi vite. Va dans le chargeur, t'as plus qu'à baisser la vie. Et j'ai démontré ses tentations. Ma vie se transforme en fiction. Dis-moi que je suis là que poison. Ma vie se transforme en fiction. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. H24 flop, top. Y'a des élixirs dans mon red cup. H24 dans le bloc. Rêve pour des yébis, ça pour l'op. Le fils d'essence d'Algérica. Tous ces bâtards, faut qu'ils s'écrame. Pour attraper vite la tédaille. Des négros sont sur la bécane. Le gars en audition. On cul pas pire aucun prénom. Le client au bout du fil. On se rejoint tout à l'heure sous le préau. Tout ça, son poste à midi file. On vit dans le trafic. Chez nous, pas d'impatis. J'adore quand tu bouges comme une actrice. Et j'ai des mauvaises fréquentations. Ma vie se transforme en fiction. Siroc, Siroc le poison. Ma vie se transforme en fiction. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Bang. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Méchant, bandit dans l'action. Ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash, ash